C'est le commentaire de Phil Desgagnés. Salut Phil! Bonjour Danny! Phil, avant de commencer, je veux savoir, évidemment, avec toi d'habitude, je parle plus de sport local, de sport national du Canadien, et ainsi de suite. Sauf que là, je pense que on va parler avec un gars que c'est lui, il faut qu'il prenne quasiment le bâton du pèlerin en tant que journaliste, si on veut avoir un nouvel amphithéâtre, parce que j'ai été témoin pour écouter les radios à Québec, beaucoup, que oui, Mario Bédard a parti le bâton du pèlerin. Peu importe ce qui arrive avec le sang Vidéotron, c'est un éléphant blanc, oui ou non, il y avait quand même un besoin. Et les médias s'en ont mêlé par la suite, puis c'est de même que ça a parti. Puis je pense que Phil, c'est pas avec moi, je suis pas assez gros, mais je pense que c'est toi et Radio X qui doivent en parler davantage si on veut avoir un nouvel amphithéâtre. Parce que moi, hier, l'impression que j'ai eue, je sais pas si t'as écouté Simon Tremblay à Radio X, et Gilles Potvin, je sais pas c'est qui, il me disait que si on était une ville très pauvre, puis j'ai l'impression qu'on s'en va... C'est un conseiller municipal, c'est le ministre des Finances de la ville. OK. J'ai l'impression, Phil, qu'on s'en va vers une rénovation, malheureusement. Moi, là, j'ai beaucoup de réserves. Je te dirais que, moi, personnellement, je pense l'inverse. Je pense que la ville n'a pas le choix d'y aller d'un amphithéâtre neuf. Non. Elle n'a pas le choix pour une raison. Ça ne coûtera pas plus cher que de rénover le centre Vézina et de rénover le palais d'agriculture. C'est clair. Et moi, au départ, je parlerais d'un complexe avec un soccer dôme parce que le soccer est rendu maintenant un sport important dans nos secteurs, parce qu'écoutez, il y a 5000 jeunes qui jouent à ça, il y a 125 équipes, c'est plus que le hockey. Mais moi, je me dis, là, Michel Tifoy était clair hier, le soccer dôme, il a dit, nous, à Jonquière, on le veut, on prend la décision, puis on va vouloir que le soccer dôme passe par Jonquière. Ça, c'est des élus, ils ont le droit de décider, j'ai pas de trouble avec ça. Oui, mais ça, fils, ça t'envoie quoi comme signal, ça? Ça t'envoie pas un signal comme de quoi que le Saint-Georges Vézina, ça va être rénové, ça, parce que moi, ce qu'on me dit, j'écoutais Simon, j'ai dit ça, j'ai manqué 3 jours, j'ai été oublié 3 jours. Sauf que ce qu'on me disait, c'est que si on aurait inclus Soccer Dome puis le Saint-Georges Vézina, le nouveau, là, il y aurait eu des subventions supplémentaires. C'est-tu vrai? Ben, moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les deux projets peuvent fonctionner avec du neuf. Je pense que sauf que quand tu vas le présenter à M. Couillard, parce que M. Couillard, il veut avant le 31 mars, là, qui est clair, là, je pense que tu peux présenter les deux projets. Là, parce que faut pas oublier que quand tu t'en vas dans une élection, puis il faut admettre que le Québec a de l'argent actuellement, puis il en distribue, là, puis il y a un nouveau budget qui s'en vient, là, c'est que ils ont un comté qui est à Jonquière, puis un comté qui est à Chicoutimi. Donc, je pense que eux, ce qu'ils veulent annoncer, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut avoir les deux. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils bâtissent le soccer dôme à Jonquière. Si les gens de Jonquière veulent l'avoir, d'abord, il faut dire que l'association régionale est installée à Jonquière. Et Michel Tifoux l'a bien expliqué en disant, il n'y a pas seulement que le soccer. On peut faire à l'intérieur, exemple, il y a une compétition de gymnastique avec le club Sajib de Jonquière, le club de Jonquière, un club de judo, plutôt. On est obligé de faire la compétition à l'Université du Québec à Chicoutimi parce qu'on n'a aucune installation à Jonquière. Avec un soccer dôme, tu pourrais probablement tenir une telle compétition à l'intérieur du fameux soccer dôme. À ce moment-là, il a parlé des voyageurs de Jonquière qui n'ont aucun endroit pour aller s'entraîner au printemps pour faire un camp d'entraînement printanier. Ils vont dans des gymnases où ils n'ont pas les installations. Un soccer dôme à la grandeur que ça a là, ça pourrait effectivement aider. Donc, moi, pas de problème avec ça. Sauf que le centre Vézina, les gens ont juste une chose à faire. Quand ils iront au centre Vézina, allez le visiter, allez voir les vestiaires, allez voir les chambres où se trouvent les choses, et vous allez voir que c'est vraiment terminé. C'est fini. Et je le dis, puis je le répète, on fait pas du nœud avec du vieux. Et deuxièmement, juste à côté, il y a un autre amphithéâtre, Danny, qu'il faut rénover. Le palais de culture étant il est délabré, c'est vraiment gênant. Il faut le rénover. Si tu mets 4-5 millions là, puis tu mets 30 millions à chaud, t'es rendu à 40 millions, sais-tu quoi? Entre un projet de 50, 55 millions puis 40 millions pour avoir deux vieilles bâtisses, vas-y avec une neuve puis installe-la comme il faut. Oui. C'est un peu ça que je pense qu'il faut regarder. Puis, on me dit que le premier ministre, lors d'une rencontre avec Mme Néron, c'est même le premier ministre, semble-t-il, vous ne regardez pas pour du neuf, vous ne regardez pas pour une belle installation. Et moi, je me dis que les gens du Saguenay, c'est des gens fiers. Je regarde actuellement. Trois-Rivières va avoir un amphithéâtre. Ben oui. Pas de club junior majeur. Laval, un nouvel amphithéâtre neuf, avec deux glaces. Gatineau va avoir un amphithéâtre neuf, avec quatre glaces. Québec a eu un amphithéâtre neuf. Shawinigan en a eu il y a 5-6 ans. Je pense qu'on est la septième plus grosse région au Québec, et nous, on se retrouve avec des bâtiments qui ne sont pas adéquats. Éliminons le hockey, Danny, là, puis éliminons le soccer. Mm. Parlons spectacle. À Trois-Rivières, ils ont des installations qui font que le Cirque du Soleil peut passer là. À Laval, le Cirque du Soleil peut aller là. Céline Dion peut aller donner un spectacle là. Il y a des groupes de musicaux qui y vont là. À Chicoutimi, au Saguenay, on n'a aucune installation qui est capable d'accueillir de tels spectacles. On est obligé d'aller à Québec. On est obligé d'aller à Trois-Rivières. On est obligé d'aller à l'extérieur pour voir de tels spectacles. Je me dis, c'est le temps ou jamais de l'installer. Et deux, plus on attend avec le temps, plus ça va coûter cher. Actuellement, il y a des projets sur la table, je pense, pour un aréna neuf. On a un exemple à Trois-Rivières. 53 millions. Le gouvernement du Québec est prêt à payer 50 %. Il y a même un conseiller municipal qui a avancé que le gouvernement fédéral pourrait embarquer également parce qu'on a une élection, nous, partielle, très bientôt. On pourrait aller chercher 66 % total de l'investissement. Je me dis, plus on va attendre, plus ça va coûter cher. L'opportunité est là. C'est pas tous les jours qu'on a un premier ministre dans notre région. On en a un actuellement. Il est ouvert. Saisissons l'occasion, puis fallons bien. Il faut le faire, puis rapidement. Et Phil, il faut être proche, hein, Phil. Je veux dire, tu sais, il faut être décidé, puis aussi, tu sais, je veux dire, rappelle-toi, c'est à Shawinigan que ça a monté, ou à Trois-Rivières? Non, c'est à Trois-Rivières que ça, le prix a monté, parce qu'on s'assinait sur la location. Si on a, tu sais, c'est 5 % par année, ça augmente le prix, qu'on me dit, là. 5 à 10 % par année. Fait que, tu sais, plus on attend, plus on s'assine, plus ça va coûter cher aussi, là. Il y a ça, puis... Je pense également qu'il y a des moyens. Tu sais, il y a la semaine dernière, je disais aux gens, un nouvel amphithéâtre, là, tous les amphithéâtres au Québec portent un nom. Ouais. Le Centre Vidéotron, le Centre Rousseau Sport, à Des Maritimes, le Casey Irving, t'as également à Laval, qui c'est le Centre Bell. Place le Bell. Forum de Montréal est disparu, on appelle ça le Centre Bell maintenant. Ouais. À Rimouski, il porte un nom. À Victoriaville, il porte un nom. Ça rapporte des centaines de milliers de dollars par année. Ici, à Chicoutimi, on se rappelle quand on a eu la nouvelle salle de spectacle qu'on a rénovée, qui était l'Auditorium du Four. On a dit, on élimine le nom de l'Auditorium du Four. Maintenant, ça va s'appeler Théâtre Banque Nationale. Sur le coup, les gens étaient un peu frus, mais quelques mois plus tard, on a oublié ça. On parle Théâtre Banque Nationale. Ça rapporte des dizaines de milliers de dollars par année en commandite. Donc, il faut trouver des façons comme ça pour dire, exemple, CGI, M. Godin est un des hommes les plus riches au Canada. M. Bouchard de Couchetard est un des plus riches au Canada. C'est quoi pour les gens de la ville d'aller s'asseoir avec ces gens-là pour dire, hey, voulez-vous, pour votre région, laisser quelque chose, un héritage qu'on va se rappeler de M. Godin, de M. Bouchard, ou d'autres hommes d'affaires qui sont... Rio Tinto, ça pourrait être le centre Rio Tinto, tu sais, ça pourrait être... Ben, ça peut être le centre Rio Tinto, ça peut être le centre Desjardins. Desjardins investit des sommes énormes dernièrement à des endroits. Pourquoi qu'ils ne pourraient pas le faire ici, dans la région? Donc, moi, je me dis, on a actuellement une possibilité tout à fait extraordinaire, un emballement, et je pense que le nouveau conseil de ville doit s'asseoir, puis d'arrêter de tirer également sur l'esprit de clocher. Danny, écoute, là, je regardais, on annonce, Michel Tifo s'est exprimé en disant, sur Gordeau Majonquière, là, il y a un vu, pourquoi il n'est pas à Chicoutimi? Puis là, il y a un autre qui a répondu, hey, ouais, mais le nouvel aréna, là, pourquoi on n'abattirait pas à Jonquière? Hey, arrêtons. Non, mais ça m'a fait avec Dolbeau Mistassini, Phil. On se dit une grande ville, Danny, ici à Saguenay, on n'a jamais été aussi divisé. Écoute, moi, là, quand l'abbé, on fait le port, quand l'abbé, on a installé un deuxième amphithéâtre, bravo pour les gens de l'abbé. Ça amène de là-bas. Je vous donne un exemple. Dernièrement, il vient d'obtenir un gros tournoi midget. L'un des plus gros au Québec pour les 4 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'à l'abbé, on a des installations requises pour faire un tel événement. Donc, je me dis, il faut le faire. Maintenant, on est rendu avec un nouvel amphithéâtre. Bravo. Un soccer dôme, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'obtiendra pas des grands tournois provinciaux où il y a des 50, 75, 80, 100 équipes qui vont venir. Ouais. Les hôtels en profitent, tout le monde en profite. Ben, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Mais Phil, regarde, c'est pas nouveau, là. On Stassigny Dolbeau, c'est deux villes, tu sais. Puis là, c'est rendu une ville. Oui. Fait que c'est la même affaire, oui. Là, dans le fond. La là, chose, ouais. L'esprit de clocher est toujours très présent dans notre région, ouais. Quand on parle de faire des événements. Mais un PPP, faut penser à un PPP aussi. Si c'est vrai, je sais pas si les finances de la ville, c'est vrai qu'ils sont si désastreuses que ça. Mais s'ils sont si désastreuses que ça, il y a toujours moyen de faire un PPP aussi, là. Ben, hier, Michel Tifo était clair, il n'est pas question de PPP dans le cadre du secours d'eau. Non, mais je te parle de Saint-Georges. Saint-Georges-Vizina? Ouais. Encore là, je me dis, un projet de 50-60 millions, est-ce qu'un homme d'affaires peut s'embarquer pour un 15-20 millions? Et les plus grands utilisateurs du Saint-Georges-Vizina, c'est qui? C'est les Saguenayens. Oui. Danny. Mm. Et qui est le propriétaire des Sagues? La ville, c'est sûr. C'est la ville. C'est ouais. La ville. Je regarde Shawinigan, Danny, le meilleur exemple. Shawinigan avait une moyenne dans l'ancienne Arena Jacques Plante de 1800 spectateurs. Maintenant, avec un nouvel amphithéâtre, 3600 personnes par match. Et ils maintiennent, qu'ils soient en tête de classement ou en bas de classement, ils maintiennent ça. Il y avait 10 loges corporatives, ce qu'on a au Saguenay actuellement. Il y en a 35 maintenant. Mm. Puis ça se vend des loges. Ben oui. Ça se vend plus que des billets de saison parce que les gens trouvent ça in d'être assisté à un match de hockey dans une loge. Ici, si on le fait, c'est qui va ramasser les dividendes de ça? C'est encore la ville. Ouais. Parce que si à la fin de l'année, il manque 150 000, c'est pas les gestionnaires des Saguenayens qui payent le 150 000 maintenant. Ils sont pas responsables des dettes. Mm. C'est la ville qui est responsable. Donc, au lieu de perdre 150 000, ils en font 200 000. Ben, ça fait 350 000 de différence. Par contre, c'est très bien, Phil, que quand c'est les villes, c'est rare que ça fonctionne correctement. Ben, c'est pas tout à fait vrai, Danny. Moi, je regarde le groupe qui gère les Saguenayens actuellement. Oui, ouais, OK. Ouais. OK, ils gèrent bien ça. Ils sont bien impliqués. Je regarde à Shawinigan. Sais-tu quoi? Les gens qui sont là, c'est une OSBL. Il n'est pas question de mettre de l'argent dans leur poche. Là. Non, ils font pas d'argent avec ça. Mais c'est ce qu'ils font, tu penses, oui. Ils ont des bonnes conditions. Ils essaient de faire grandir l'affaire puis faire que l'équipe, d'année en année, soit prospère, ben, avec les coffres solides puis que la ville n'aille pas à débourser. Ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que d'ici 31 mars, je pense que Phil, t'as pas le choix, le bâton du pèlerin, ça doit être un journaliste comme toi qui... Je prêche pour ça. Ouais. Et la seule chose qu'il faut que je dise aux gens, je rencontre des gens cette semaine, ils me disent, Phil, puis tu vas-tu l'avoir à ton nouvel aréna? Je dis aux gens, moi, là, j'ai aucun bénéfice à tirer là-dedans. Je suis pas impliqué. Moi, je fais ça comme citoyen qui est fier d'une région. Mm. Je serais fier qu'on ait des installations qui sont au niveau des grandes villes du Québec, parce que je considère Saguenay comme l'une des grandes villes du Québec. Le fait que les Saguenayens se sont prononcés, parce que moi, j'avais eu Richard Letourneau il y a 2-3 semaines, disons 2 mois, puis Richard m'avait dit, regarde, si c'est pour augmenter la rénovation, je suis bien content, puis si c'est pour le centre, si un nouveau centre, je suis bien content, mais cette semaine, ils ont pris position, là. Ils veulent un nouvel amphithéâtre. Ben, ça peut-tu aider? Mais je comprends un peu, M. Letourneau, d'être un peu plus prudent. Parce que la franchise appartient à la ville, puis ce sont des bénévoles qui travaillent. Donc, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent une bonne harmonie avec le nouveau conseil de ville, parce que c'est les anciens qui les ont nommés là, qui sont en place. Donc, c'est une nouvelle organisation, c'est des gens qui connaissent un peu moins, il y a une adaptation. Je comprends l'organisation des Saguenayens d'être un peu plus prudente, là. Mm. Mais c'est clair que, écoute, je peux te dire qu'entre quatre murs, là, c'est sûr que pour eux autres, ils vont dire... Demain matin, un amphithéâtre neuf. Ouais. C'est pas mal plus facile à gérer. C'est pas mal plus facile de faire des promotions. Puis c'est pas mal plus intéressant pour les spectateurs qui vont là également. C'est tout ça qui fait la différence. Phil, 25 ans, Gary Bettman. Ce matin, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux. Les gens, c'est quoi votre appréciation de Gary Bettman sur note de 1 à 10? Écoute, moi, je me suis prononcé, outre le fait que j'aime pas, c'est qu'il semble mépriser le Canada. Là, tu sais, ça semble regarder ça. Par contre, il a fait, si on enlève ça, le reste, il a fait un très, très bon travail à la tête de la Ligue nationale. Faut quand même lui donner ça, même s'il y a une... Les propriétaires, là, ils le payent très bien. Là. Ils payent comme une part dans la Ligue nationale, là, entre 7 et 8 millions par année, comme on dit. Là. Et moi, personnellement, je pense qu'il a fait un job colossal. Deux choses. Il a réussi à imposer un plafond salarial. Oui, ça, c'est obligé de le marquer, c'est vrai. Et ça, c'est important parce que les équipes sont capables de se budgétiser. Et deux, c'est que les équipes bien nanties comme Canadiens ou Toronto, ça les brime un peu dans les possibilités d'aller chercher des joueurs autonomes avec des budgets faramineux. Exemple, John Tavares va devenir joueur autonome à la fin de l'année. Hey, une équipe comme Montréal demain matin, s'il n'y a pas de plafond salarial, ou Toronto qui n'a pas de plafond salarial, ils vont dire, All the Way ou les Rangers de New York, ils vont mettre la gomme pour aller chercher un tel joueur. Sauf qu'avec un plafond salarial, t'es limité. Tu peux pas poser des gestes comme ça. Donc, à ce moment-là, le plafond salarial vient porter une certaine équilibre, une certaine équité à travers la Ligue, puis on le voit très, très bien. Exemple, Chicago a gagné 2 coupes cette année il y a 2 ans. Actuellement, ils se lancent même pas blessés. Je regarde les Penguins de Pittsburgh qui ont gagné également 2 fois, ont énormément de difficultés à suivre le rythme. Pourquoi? Parce que le plafond salarial fait que tu peux pas arrêter, tu peux pas continuer à donner des augmentations de salaire et garder tes joueurs vedettes tout le temps. Écoute, Chicago a échangé 3 ou 4 bons jeunes joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de les payer à leur juste valeur après les 3 premières années de leur carrière. Il y a un autre facteur qui est arrêté en ligne de compte, c'est les droits de TV. Il a négocié des droits de TV faramineux pour les clubs de la Ligue nationale. Hey, je regarde juste le Canadien de Montréal, tout ce que ça rapporte, ce que ça donne, et ce que la Ligue nationale est allée chercher avec les réseaux de télévision, c'est gigantesque. Tu regardes ce que Rogers, écoute, Rogers, tu regardes le contrat de télévision, ils réussiront jamais à rentabiliser ça. Jamais. TVA Sports sont sur le derrière encore plus avec ça. C'est sûr qu'il y a une question de masse salariale aussi, mais tu sais, ils réussiront pas, là, tu sais. Non. Allez, je vais te dire que les droits de télévision, puis le plafond salarial, il a mis de l'argent dans les poches des propriétaires. De façon extraordinaire. Puis, il y a une chose également qui fait l'affaire des clubs. Même un club riche comme le Canadien, quand tu as un plafond salarial, tu peux toujours te dire à tes clients, pis à tes gens, écoutez, là, je peux pas aller plus haut que ça. J'ai un plafond à 74 millions. Je peux pas mettre 90 millions. Alors, regarde au baseball, Danny. Pas de plafond salarial. Qui gagne? 80% du temps, toujours les mêmes équipes qui sont en tête. Celles des équipes qui ont des budgets énormes. Les Red Sox de Boston sont tout le temps là. Les Yankees sont tout le temps là. Les Cards de Saint-Louis sont là. Là, les Blue Jays sont d'une des équipes qui attirent le plus de monde. Donc, ils sont là. Les Dodgers sont là. Les équipes qui ont des biens nantis avec des stades remplis, ils font quoi, tu penses? Pas de plafond salarial. Ils signent des vedettes, puis tant que tu... Mais viens-tu en là? Alors que les petits marchés, qu'est-ce qu'ils font? Moindrement que ils veulent des petits joueurs, des joueurs moyens. Puis quand un joueur devient vedette, ben, ils n'ont pas le choix. Ils échangent pour des choix de repêcheurs ou des jeunes joueurs pour essayer de rebâtir un peu leur club. C'est un peu ça qui arrive. Il y a des exceptions, mais c'est pas la majorité des cas. Moi, j'ai donné un 7.5. Ce que j'aime pas, c'est le mépris envers la Ligue nationale, envers les gens de Québec. Et le Canada, Phil. Tu sais, on est en beau maudit à cause qui, tu sais, la manière qu'ils se comportent avec Québec comparativement à Seattle. Mais tu sais, il y a d'autres affaires, tu sais. Tu sais, durant les séries éliminatoires, t'as des matchs à Toronto à 14h, tandis que Rogers paye le gros prix, puis ils font ça pour accommoder les réseaux de télévision américains. Tu sais, ça te donne un peu l'idée du mépris qui est envers le Canada. Sais-tu quoi? Il y a 25 clubs aux États-Unis, il y en a 7-8 au Canada. Ouais, mais qui paye le plus cher? Les droits? Il y a 2-3 franchises au Canada qui payent cher, là. On parle de Toronto, Montréal, là. Après ça, là, les autres, là, ont pas, ils font leurs frais, ils font de l'argent, là, mais c'est pas nécessairement eux qui rapportent. Tu sais, je regarde les franchises les mieux nanties de la Ligue nationale, tu sais, c'est quand même des bonnes franchises comme Boston, c'est comme les Canadiens, c'est comme Toronto, c'est comme les Rangers de New York. Tu sais, il y a des bonnes équipes également, Tampa Bay, qui grossit tranquillement. On voit des endroits, exemple à Nashville actuellement. L'année passée, Nashville, là, c'est un succès total. Voir 100 000 personnes dehors pour écouter un match de hockey, là. Tu vois pas ça et n'importe où à travers le Canada non plus, là. Non, mais tu sais, Phil... C'est pour ça que je te dis que, lui, les marchés américains, ce qui nous frustre, nous, au Québec, c'est parce qu'on pense toujours aux Nordiques, mais faut être réaliste. Est-ce que le marché de Québec, avec une population d'un million, est capable de rivaliser avec les grands marchés américains, les grandes villes américaines? C'est une question qu'on doit se poser, puis je pense qu'ils ont raison de se la poser. Ouais. En terminant, Phil, le Super Bowl, écoute, ta prédiction, moi je dis qu'il faut jamais gager contre Tom Brady, c'est un sacrilège. mais ça va être un match, l'une des meilleures défensives du football américain contre la meilleure attaque, contre le meilleur quart arrière. Moi, ce qui me fait pencher un peu du côté des pattes, oui, ils ont meilleur quart arrière, mais ils ont un coach qui... 2 longueurs d'avance sur tout le football américain. Et les coordonnateurs, la défensive, les coachs. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je pense que tu regardes le succès de cette équipe-là, le staff d'entraîneur, puis deux, il faut donner à Brady ce qu'il a, même s'il a 40 ans, c'est un génie. On y change ses receveurs de passe, ses porteurs de ballon, il y en a de blessés, il y en a qui sont plus là, puis tout. C'est il trouve toujours une façon de gagner. Il y en a qui vont dire, ouais, les arbitres sont favorables à ça, mais ça, hein, les grandes équipes trouvent toujours avoir des favoris, puis trouver les façons de gagner. Moi, je pense que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est une équipe qui trouve des moyens de gagner. Phil, t'es-tu d'accord avec moi, puis je vais te laisser là-dessus. Je posais la question à Stéphane Cadorette. On dira ce qu'on voudra, les Pats, là, pour la NFL, c'est du bonbon. Ça ajoute au spectacle. T'es vois sur les médias sociaux, t'as les Patriots, là, ils mobilisent, là, t'sais, je veux dire... Il polarise. Soit t'es aimes ou t'es aimes pas. Il y a deux choses que les Patriotes ont. T'es aimes ou t'es détestes. Ouais. Ça ajoute au spectacle. Ça ajoute au spectacle. Ben, c'est sûr. Ouais. Tu sais, je veux dire, Tom Brady, là, tout le monde veut lui parler. Tout le monde veut le voir. Puis, c'est la même chose avec l'instructeur-chef. Tout le monde veut les voir. L'équipe gagne. Tu sais, c'est... Le matin, là, c'était une finale. Jacksonville. C'était contre Philadelphie. Pas sûr qu'il y aurait autant d'engouement, moi, là, pour le Super Bowl qui va avoir lieu demain. Non. Puis ceux-là qui détestent, ils veulent les voir perdre, puis écraser comme il faut. Puis la Pats Nation, ben, on est là, puis on est favoris, puis on veut encore que... Tu sais, c'est bon pour la NFL. Comparativement à une équipe qui est pactée. Tu sais, je sais pas si je suis encore la NBA, parce que, Phil, l'année passée, quand Golden State, ils se sont pactés un club, c'était même pas fun, les séries. Oui. C'était pas bon. T'as raison, t'es trop fort. Trop fort. Mais là, les Pats, il n'y a pas de... C'est pas une équipe pactée, les Pats, là. Ben non, c'est ça que je te dis. Là, ils perdent d'année en année des joueurs, puis des joueurs chauds. Remplace. Ils ont toujours le même coach, puis le même quart arrière. Oui, effectivement. Ça, je pense que au départ, tu sais comme moi qu'au football, c'est prioritaire. Puis avoir une bonne défensive. La défensive des Patriots, c'est pas une des meilleures du football. Là, ils accordent des points pas mal, mais ils ont un quart arrière qui en marque pas mal aussi. Donc, ça fait habituellement des matchs enlevant. On a qu'à se rappeler l'année passée, le retour spectaculaire qu'ils ont fait. Tout le monde en parle encore. Ils trouvent toujours la façon, comme je te dis, de gagner. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont la bonne chose, la bonne équipe cette année encore pour attirer des records d'assistance et surtout des records de cote d'écoute. Phil, on s'en parle le vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Desgagnés.